sont plus les mêmes. On changeait de thème ce matin. J'ai dans un demi-sommeil, à la lisière de l'éveil, tes pensées toutes dirigées vers ce petit être qui hier encore n'était qu'un peut-être. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère. Sur ce coin de notre terre, il nous reste à apprendre, il nous reste à comprendre comment s'entendre. Alors, bienvenue Léa, Raphaël. Jamila, Sun Katami Diakumba. Peut-être changerez-vous le monde, tairez-vous le fracas des bombes, écrirez-vous sur la portée les notes harmonieuses d'une radieuse et partagée. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère. Sur tous les coins de notre terre, il nous reste à apprendre, il nous reste à comprendre comment s'entendre. Changeront tout.